On crie sur ce qu'on tente, faut pas savoir lequel. C'est une pétance couche-tard, c'est fait à le mal. Même on cherche tout, ça fourgue des lamelles. Mais qui n'a jamais escroqué touriste avec un bout de caramel. Attisé par le vice, me prends pas pour ta pute. Tu veux ton champ, tiens, pose-toi là où t'habites. Mais y'a des codes, y'a même une ligne de conduite. À quoi bon faire l'homme si tu cours l'ouvrir devant un condé. On va pas faire d'un âne un cheval de course. Et Lyon ne sera pas populaire même si il est coté en bourse. À l'école j'avais du shit dans ma trousse. Pas de prof, ni de Schmitt pour me foutre la frousse. Les petits frises, l'intolérance, un peu de confiance. Une gifle, ils retombent en enfance. Quand tu leur parles, ils te regardent pas en face. À mon époque, c'est sûr qu'ils t'auraient fait un sourire de force. J'aime pas ce mot-là. Avant, on était amis. Avant. Et tu veux quoi? Le 6645, tu crois que la vie est ainsi, mais d'ici, on le voit que t'as pas les couilles. On le voit que t'as pas les couilles. Ok, as-tu déjà vu une arme même factice? Tu sais que l'envie n'est rien si tu en as pas dans le calcif. Tu veux braquer qui? La brinque sous la factrice. Calcule ta peine et pas ton futur bénéfice. Mais qui sont ces putes qui braquent les vendeuses de muguet? Des travailleurs sans coups qui font des braquages de quai. Les vrais hommes sont cagoulés pour entrer dans des banques. Les vrais font des arrachés après des semaines de planque. On veut tous connaître le butin sans plaque, sans blague. Quitte à faire des souffler sans faire les 100 pas. Fonce, si la fête te ronge le ventre. Si t'as une famille à charge, ne fais pas ça dans le vent. Sinon ton coup sera voué à l'échec. Vu le choc au star, faudra sûrement courber les chines. Chuchote quand tu parles de ce que t'as à faire. Les murs ont des oreilles que les balances ne font pas taire. Je veux sauver ma peau. Je veux sauver ma peau. Vous devez l'acheter votre vie, Don Giro. J'ai pas l'intention de vous en faire cadeau. Et tu veux quoi? Un petit 635 et tu crois que la vie est ainsi faite? On le voit que t'as pas les couilles. Bouche ouverte, langue pendue, une fois fini la fouille. Avec le temps, va, dis-toi que tout s'en va. Sur cette putain sur le trottoir qui arrête pas de faire les 100 pas. Sans ça, je crois pas qu'elle nourrirait ses gosses. Depuis le temps qu'elle bosse, elle dit jamais n'avoir connu un meilleur taf. Étudier à la fac, elle en rêve. Mais elle ne suit plus les cours entre le tapin et la grève. Tu vois pas que le trottoir l'appelle. Elle a la vingtaine et son visage est marqué par la peine. Depuis le temps qu'il vend la schnouf, mais où elle bénéfice. Dans ses narines peut peser jusqu'à un kill de cesse. Alors cesse de me compter tes louanges. Attends, tu m'y donnes, on le sait qu'il y a plus que toi que ça arrange. Et tu veux quoi, un petit pochon de cesse? Et pour ça, t'es prêt à donner tes fesses. On le voit que tu suces des boules. Bouche ouverte, langue pendue quand le sperme s'écoule. Smoke, ligne de conduite. Gare à là où elle pourrait te conduire. Ouais ouais, smoke, ligne de conduite, écoute-moi ça. Et tu veux croire, le 6645, et tu crois que la vie est ainsi, mais t'y on le voit que t'as pas les couilles. Bouche ouverte, l'enfant d'une fois fini la fouille. Et tu veux quoi, un petit 635, et tu crois que la vie est ainsi faite. On le voit que t'as pas les couilles. On le voit que t'as pas les couilles. Mais tu veux quoi, un 6645, et tu crois que la vie est ainsi, mais t'y on le voit que t'as pas les couilles. Bouche ouverte, l'empende une fois fini la fouille. Et tu veux quoi, un petit 6-35, et tu crois que la vie était si faite. On le voit que t'as pas les couilles.